Snake Dance. La table est mise et je viens de cuire le dernier pancake. Voyons, les œufs sont prêts, plus qu'à les brouiller. Pour le bacon, j'attendrai juste avant de servir. Nathalie dort encore. Elle va sans nul doute m'arracher les yeux pour ne pas l'avoir réveillée. Elle déteste être en retard et je sais qu'elle a une sainte horreur de devoir courir pour être à l'heure. Je viens d'appeler les deux Valois pour leur dire de ne pas se presser. Une demi-heure de plus ou de moins sur son planning ne changera pas la journée de Nat, mais compensera l'heure tardive à laquelle nous avons éteint la lumière. C'est sûr, elle ne va pas du tout aimer que je décide pour elle, et il serait peut-être temps que j'aille la réveiller. Alors que le jour se lève, j'entrappe de loup dans la chambre que les loups rides au débet maintenaient. Maintiennent encore dans la pénombre et je m'agenouille sur le tapis, mon visage à quelques centimètres du sien. Un filet de salive brille à la commissure de ses lèvres. Elle alterne de temps à autre plissements de nez et petits mouvements de succion de sa bouche. Elle est adorable. On dirait un lapin en train de manger une carotte. Je resterai ainsi à la contempler pendant des heures. Mais là, si je ne fais rien, je vais provoquer un incident diplomatique majeur. J'approche mon visage du sien et souffle légèrement sur la mèche de cheveux qui barre son front. Encore quelques petits plissements de nez, elle ouvre les yeux. Elle me reconnaît instantanément et le sourire qui s'esquissait déjà sur ses lèvres s'estompe. Le bleu clair du merveilleux regard vire au bleu sombre. Ce n'est pour l'instant que de l'inquiétude, mais je crains fort que le temps ne vire à l'orage. Bonjour, John. Quelle heure est-il? Tu m'as laissé dormir. Je l'embrasse tendrement sans pouvoir très longtemps faire diversion. Je suis obligé d'avouer mon forfait. Bonjour, Nat. Tu ne seras pas en retard. Tout le monde est prévenu. J'ai seulement amputé ton planning d'une demi-heure. Bertrand m'a dit de ne pas m'inquiéter, que ça ne posait aucun problème et que tes relevés seront faits avant que le soleil ne vous a complètement grillé. De crainte qu'elle ne me saute à la gorge avant que je n'aie eu le temps de me justifier, j'ai débité mon discours d'une seule traite. Sa réaction me surprend. Laissée en bataille, elle s'assied ailleurs sur le lit et me demande avec un calme olympien « Est-ce que tu aurais aimé que je m'occupe de ton travail et dispose de tes collaborateurs ?»« Non. » « Ok, je te remercie de ta franchise. Donc, s'il te plaît, ne recommence jamais ça. » Seulement comme je sais que tu n'as pas eu le courage de me réveiller parce que tu ne résistes pas au plaisir de me regarder dormir, je te pardonne, mais à une condition. Ouf, elle ne m'a pas mangé tout cru. Oui, laquelle? Que tu me dises ce qui te fascine à ce point, quand je dors. Tes petites grimaces. Mes petites grimaces. Oui, on dirait un lapin qui mange une carotte. Ce disant, je fais un bond vers la porte pour échapper à la foudre, mais ne suis pas assez rapide pour éviter une tongue lancée avec une précision redoutable et qui vient littéralement me botter les fesses. Dans le couloir, je lance à la volée. « Petit déjeuner dans 10 minutes. Tu en as 5 pour prendre une douche et t'habiller. À ta place, je bougerai. » La journée de travail touche à sa fin. C'est bientôt l'heure d'aller récupérer Nat après sa répétition, la dernière avant le concert des Sugar Rocks pour la soirée de fin de campagne. Mon Dieu, que le temps passe vite, trop vite, déjà une semaine. Il n'en restera plus que 3, peut-être 4. Je repense à notre longue conversation d'hier soir. Ce n'est pas d'avoir eu à lui dire que j'avais fréquenté des maisons closes et des prostituées qui m'a posé problème. De ce côté-là, je savais que je n'avais à rougir de rien, et avec Nat moins qu'avec tout autre. J'avais seulement très peur qu'apprendre ce que j'avais fait pendant la guerre dans cette grotte la dégoûte tellement qu'elle ne puisse plus supporter de seulement me regarder en face. Je n'avais rien à craindre de la sorte. Lorsque j'ai arrêté de parler, elle est restée silencieuse à me regarder intensément, toute la tristesse du monde peinte sur son visage. « Jesus Lord, comment as-tu pu survivre à tant d'horreurs et surmonter ensuite la désolation de ton mariage ?» La réponse, tu la connais déjà. Grâce à l'amitié et à la tendresse de Chiara et de ses professionnels, qui, comme elle, estime que leur travail est d'apporter un peu de réconfort aux hommes à l'âme brisée lorsqu'elles en croisent un. Parce que, quoi que puissent en penser certains, c'est bien de compassion et de tendresse qu'il s'agit. Le sexe n'a été que le point d'orgue aux longues heures d'écoute et de caresses, sans lesquelles ma virilité serait sans doute encore totalement nouée. Ces femmes ont su m'aimer à leur manière. Je n'ai pas su aimer la mienne, en tout cas pas suffisamment pour la délivrer de la sclérose de 2 millénaires de catéchèse chrétienne. Peut-être, en outre, n'ai-je pas tout à fait guéri, et le reste du trou noir qui subsistait en moi l'a-t-il effrayé au point d'aggraver son blocage ? Nat m'a regardé en fronçant les sourcils. « John, arrête de te flageller. Tu n'es en rien responsable des blocages de ta femme. Je sais quel amant merveilleux tu es. Tu ne le dois qu'à ta force, ta douceur et ta tendresse, à tout l'amour que tu portes en toi et aussi grâce à Chiara et à ses sœurs. Tout comme la mère de tes enfants, je ne suis pas une putain, et le fait que j'aime le sexe n'en fait pas une de moi, pas plus que de toi, un pervers. Quoi qu'il en soit, je remercie ces femmes de t'avoir arraché à tes démons et d'avoir pris soin de toi pendant ces années d'horreur. » Et puis son expression a graduellement changé. Elle est devenue rêveuse, comme si elle se souvenait de quelque chose. Un petit sourire, un éclat dans ses yeux. « Tu sais, nous ne sommes pas si différents. Je l'ai déjà évoqué. Ce sont aussi des professionnels qui m'ont sorti de la dépression dans laquelle m'avait plongé 2 ans d'un mariage destructeur. Je te raconterai ça demain soir. Là, il faut que nous dormions, si nous voulons pouvoir nous lever demain matin. » 18h. Je referme le dossier de douane sur lequel je travaillais et le range soigneusement dans le tiroir du bureau. Ce soir, nous dînons chez les Bagnaud avec les Astier et les 2 Valois. Ce sera simple et bref, car la nuit suivante sera longue. Je range encore quelques bricoles avant de me décider à quitter le bureau. Inutile de me presser. La dernière répétition risque de durer plus que d'habitude. J'avais raison de ne pas me bousculer. Tous les véhicules sont encore là, garés devant le petit bâtiment d'où s'échappent notes de guitare et roulements de batterie. Je m'assieds sur le pare-buffle du pétrole et profite du magnifique coucher de soleil. Chaque minute, l'astre du jour devient de plus en plus rouge et descend à une vitesse incroyable pour disparaître derrière l'horizon. Il n'a pas fallu un quart d'heure pour que la nuit soit là. Seule une infime lueur subsiste encore où tout à l'heure resplendissait le disque d'or. Malgré l'obscurité qui s'étend, la chaleur est encore bien présente, mais il ne faudra pas 2 heures avant que la fraîcheur ne s'installe. Sur un dernier accord, la musique s'arrête, puis une à une, les lumières s'éteignent et la porte s'ouvre, libérant une joyeuse bande qui se congratule. Rien qu'à les voir, on sait qu'ils sont prêts pour le concert de demain soir. Asti m'aperçoit. « Vous auriez dû rentrer. » « Je ne voulais pas vous déranger, et puis je préfère avoir la surprise pour demain. » Nat s'avance vers moi, les yeux illuminés par le plaisir d'avoir joué pendant 2 heures. Elle est tellement contente qu'à un moment je crains qu'oubliant toute prudence et toute retenue, elle ne vienne m'embrasser. C'est sans aucun doute ce qu'elle allait faire, et elle stoppe son élan juste à temps pour ne pas tomber dans mes bras. J'espère seulement que personne ne s'est rendu compte de ce qui vient de se passer. La pénombre nous a sans doute permis d'éviter une situation embarrassante. L'heure qui suit nous retrouve tous attablés chez Bagnaud. L'ambiance est à la fête et tout le dîner. La conversation va tourner autour des derniers ajustements du programme et de la tenue de chacun. Le concert est prévu pour durer 1h30 avec 14 titres, panachage de rock, blues et country, dont 2 titres de la composition de Nat. Un petit livret explicatif avec les paroles des chansons sous-titrées sera remis à chaque convive. Madame Bagnaud a déjà tout tapé sur l'IBM du secrétariat de son mari et le stencil pourra être tiré dès demain matin. Lorsque tout le monde se sépare vers 22h, les estomacs sont pleins et les cœurs en fête. J'ai failli oublier de le faire ce matin. Je m'applique donc à mettre la pagaille dans ma chambre et, pour reprendre l'expression de Nathalie, à dévaster le lit. Cette tâche accomplie, je la rejoins dans la grande chambre. Elle est déjà au lit, adossée aux oreillers en tenue d'Ève, une Ève pudiquement drapée dans les grands draps. Je ne crois pas qu'elle m'ait vu ni entendu entrer, tant elle est absorbée dans ce qui ressemble à une intense réflexion. Je me glisse près d'elle. Encore dans le programme du concert? Elle sursaute presque. Non, je pensais à notre conversation d'hier soir. Et c'est à propos de la façon dont nous avons surmonté nos traumatismes respectifs. Je trouve étrange que nous ayons aussi cela en commun. J'avoue appréhender ce qui va suivre et cela doit se noter sur mon visage. Nathalie s'est ressaisie, elle me prend les mains. Oui, pardon. Il se trouve qu'à des époques différentes de nos vies, nous avons tous les deux été brisés. Toi par la guerre, moi par un pervers narcissique. Je trouve surprenant que, pour l'un comme pour l'autre, ce soit des professionnels du sexe qui nous aient permis de reprendre pied. Je savais que son mari, le père de Peter, était un triste sire. Mais j'ignorais qu'il était un pervers narcissique et que Nathalie en avait à ce point souffert. J'ignorais encore davantage qu'elle avait eu recours à des étreintes tarifées. J'ai eu du mal à comprendre pourquoi et comment une telle chose a été possible. Lorsque je lui en fais la remarque, elle a un pauvre sourire. Tout comme j'ignorais jusqu'à hier ce que tu avais vécu pendant la guerre d'Algérie. Et bien que ce ne soit en rien comparable, cela a été une grande douleur pour toi comme pour moi. La seule vraie différence, c'est qu'en ce qui me concerne, les faits sont beaucoup plus récents. Je la dévisage, caresse ses cheveux, sa joue. Je savais que ton mariage n'avait pas été une sinécure et que le père de Peter s'était montré odieux. Mais de là à soupçonner que tu avais été la victime d'un pervers, non. Quand on te regarde, ce n'est même pas imaginable. C'est pourtant ce qui s'est passé. Ce malade a bien failli me démolir et il m'est encore difficile d'admettre que j'ai pu être la loque sur laquelle il s'est essuyé les pieds pendant 2 ans. Tout comme toi, j'ai réussi à réparer ma fracture, mais j'ai encore du mal à en parler spontanément. Elle se blottit dans mes bras. Tu sais déjà que pendant toute la durée de mes études, ma vie amoureuse a été assez intense. Je dis amoureuse, je devrais plutôt parler de vie sexuelle parce que durant toutes ces années, je n'ai vraiment été amoureuse que des maths et de la physique. Même si j'ai eu plus de tendresse pour certains partenaires que pour d'autres, je ne me suis jamais engagée dans une relation sérieuse. Il ne s'agissait pour moi que d'évacuer la pression d'un rythme de travail délirant. Pendant ces 10 années d'études intensives, qui étaient ma seule passion, je n'ai eu que 2 aventures de quelques semaines. Pour reprendre une expression que je n'aime pas trop, je préférais les coups d'un soir. Il n'y avait rien à gérer et je pouvais rester concentré sur mon travail. Elle me regarde, un peu inquiète. Tu désapprouves ce comportement ? Je lui prends le menton entre le pouce et l'index, geste qui m'est familier et qui, je ne sais trop pourquoi, a le pouvoir de l'apaiser. Non, je te l'ai déjà dit. De quel droit pourrais-je désapprouver ? Pourquoi ce qui est admis pour un étudiant ne le serait-il pas pour une étudiante et à moins qu'ils ne soient tous homosexuels ? Il leur faut bien une partenaire. Je pense comme toi que s'engager dans une relation suivie, alors que l'on est entièrement accaparé par ses études, doit être en effet très compliqué à gérer. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas tant de tomber amoureux qui doit poser problème, mais bien un chagrin d'amour en plein milieu d'une année scolaire. Elle rit. Tu as tout compris. Puis devant la perplexité qui doit transparaître dans mon expression. Enfin, manifestement pas tout. Mais je crois qu'il faut commencer par le commencement. J'ai rencontré le père de Peter tout juste après l'obtention de mon dernier diplôme, dont j'étais très heureuse et très fière, mais je sortais de ces dernières années d'études complètement épuisée. J'avais plus que besoin de vacances. Les parents d'une camarade de promo lui avaient laissé pour une semaine leur petite maison des Hamptons. Très confortable, mais bien modeste en comparaison des villas de milliardaires au milieu desquelles elle faisait figure de cabane de pêcheurs. Nous étions installés depuis 2 jours lorsqu'elle a été invitée à une soirée par des voisins et je l'y ai accompagnée. C'est là que j'ai fait la connaissance de celui avec lequel j'allais me marier 6 mois plus tard. Très bel homme, avec un réel charisme, il était de ces personnes brillantes que l'on remarque instantanément. J'aurais mieux fait de me casser une jambe plutôt que d'aller à cette soirée. Mais il n'y aurait pas eu Peter et ça, je ne peux même pas l'imaginer. Bref, après ces 10 années en solitaire, je n'étais peut-être pas en manque de sexe, mais sûrement en manque d'amour. Et je me suis laissé séduire par cet homme de 10 ans mon aîné, si convoité que les femmes se seraient arrachées les yeux pour 1 heure dans ses bras. Je ne me suis même pas demandé s'il y avait une raison à son célibat à 38 ans. Une semaine après, j'étais dans son lit, persuadé d'avoir trouvé le prince charmant. Son appartement de New York était somptueux et les bureaux du cabinet d'avocats dont il était l'associé majoritaire vraiment impressionnants. Ce que j'ignorais, c'est que tout cela n'était que du vent. Enfin, pas tout à fait, tout cela était bien réel. Mais sa fortune lui venait de l'héritage de parents fabuleusement riches tout comme il devait son titre de seigneur associé à la part majoritaire du capital qu'il détenait dans le cabinet fondé par son père. Pour faire court, il était tout le contraire de ce qu'il donnait à croire, et la seule chose qui l'intéressait en moi était mes deux doctorats, une aubaine pour satisfaire sa boulimie de paraître. C'était en fait quelqu'un de médiocre n'ayant jamais rien accompli par lui-même, un parasite se nourrissant de la substance des autres, incapable d'aimer quiconque à part lui. C'était un abîme narcissique dans lequel j'étais aspiré sans même m'en rendre compte. Elle reprend son souffle et ses esprits. Je peux comprendre que replonger dans un tel cloaque la déstabilise. Nat, on peut s'arrêter là, si c'est trop pénible pour toi. Froncement de sourcils, elle secoue la tête. Ses cheveux d'or sont comme une flamme. Ah non, sûrement pas. Ce serait dire qu'il me tient encore, qu'il a gagné. Attends-moi. On va arroser les cendres de ce salopard. De geste vif, elle repousse les draps et bondit du lit complètement nu pour disparaître en direction du séjour. J'appelle le temps d'entrevoir mes fossettes préférées. Je n'ai guère à attendre pour la voir revenir toujours aussi nue, tenant deux verres d'une main et une bouteille de l'autre. Elle est majestueuse, comme si elle tenait sceptre et globe du pouvoir. La naissance de Vénus de Botticelli, sauf que ses cheveux ne sont tout de même pas assez longs pour dissimuler son duvet d'or. Elle monte à genoux sur le lit, me tend un verre, et d'un geste qui me laisse bouche bée, prenant le bouchon entre ses dents, ouvre la bouteille d'une savante torsion du poignet. À croire que Vénus a fait ses études dans un saloon du Texas. Le bouchon toujours entre les dents, elle tend la bouteille pour me servir. Sans proférer un mot, tellement ma stupeur est grande, j'avance mon verre qu'elle remplit au tiers d'un alcool doré et parfumé. Elle se sert dans les mêmes proportions, pose la bouteille sur son chevet, la rebouche et tend son verre pour trinquer. À Peter, à nous, et au centre d'un sinistre personnage qui s'est consumé à vouloir brûler les autres. Nous trinquons. Une gorgée. Je n'en crois pas mes papilles. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une vraie merveille. C'est un whisky irlandais. Un Redbreast, hors d'âge. Le meilleur whisky du monde. Normal, c'est de l'irlandais. Je bois une autre gorgée. C'est encore meilleur. Mais comment diable as-tu fait pour trouver une bouteille comme celle-là au fin fond du Tchad? Deuxième lampée et petit air de conspiratrice. 6. Quoi, comment 6? Pas une, mais 6 bouteilles. Je dois sans doute avoir l'air le plus bête qu'il me soit possible de prendre. 6 bouteilles, mais... J'en suis certain, pas un homme sur cette planète n'a vu si beau sourire. Ne cherche pas. Zorro me les a apportées tout à l'heure. Et je lui ai demandé de passer les déposer discrètement après en avoir pris une pour lui. Je t'explique. Dès le lendemain du soir où j'étais recruté par les Sugar Rocks, j'ai demandé à Zorro, qui partait pour N'Djamena, de passer un message radio à l'ambassade des États-Unis dès son décollage. Je lui donnais la fréquence et un code d'identification, et dans le quart d'heure qui suivait, une assistante à Paris passait la commande. Le lendemain, la caisse était sur le vol UTA dans la valise diplomatique. Zorro l'a eu sur le tarmac de N'Djamena avant son décollage. Tu vois, il n'y a aucune magie là-dessous, juste des messages radio, des gens efficaces et des avions. Je n'ai toujours pas dit un mot, les yeux écarquillés. Je reprends vite une gorgée de ce nectar irlandais. Chapeau pour la logistique US, vraiment impressionnante. Ses yeux se font câlin. Seule la logistique est impressionnante. Je sais combien elle aime jouer avec les mots. Voudrais-tu que je te fasse part de mes impressions? Elle rit. Gardons le meilleur pour la fin, mais avant je voudrais que tu goûtes mes cerises à l'eau de vie. Ne me dis pas que tu en as aussi fait venir une caisse. Elle pouffe et a du mal à garder son sérieux. Oh non, elles étaient déjà là. Elle trempe son doigt dans le whisky et en humecte chacun de ses seins en prenant bien garde de ne pas en mettre sur les mamelons. Cela fait, elle pose son verre, prend ses seins à pleine main et me les tend pour une dégustation impromptue. Je n'ai jamais goûté meilleure cerise. Elle commence à gémir, se reprend. Stop, reprends plutôt ton verre. Je termine mon histoire et si tu as été sage, après les cerises, tu auras l'abricot. Parole magique, je redeviens tout à coup très attentif. Tu en étais à te demander comment, avec le caractère que j'ai, j'avais bien pu me laisser manipuler et démolir par cet homme. Elle se concentre. Sur le plan sexuel, mes 10 années d'université avaient été suffisamment remplies pour maintenir un équilibre avec le stress des études, mais niveau amour, j'étais une terre aride sur laquelle aucune averse n'était jamais tombée. Le père de Peter était beau, charmeur, très attentionné, du moins en apparence. J'avais tellement besoin d'amour qu'il n'a eu aucun mal à me persuader que j'étais la femme de sa vie. J'en étais certaine, il m'avait attendue. Il m'a très vite convaincu de l'épouser et nos fiançailles furent un vrai conte de fées. Il me présentait partout, était en admiration devant moi, allant même jusqu'à me prédire un prix Nobel. J'étais parfois un peu gêné de ces démonstrations excessives, mais tellement heureuse d'être aimée que je ne voyais même pas les signes d'alarme qui s'allumaient de temps à autre, comme les regards de certains qui, le connaissant bien, savaient que la phase séduction n'allait pas durer, mais ne pouvaient rien dire. De toute façon, j'étais tellement fasciné que je n'aurais cru personne. Il y avait aussi la façon qu'il avait de m'interrompre lorsque rencontrant quelques industriels de ses relations. Ces derniers s'intéressaient d'un peu trop près à mes connaissances scientifiques, ce qui l'excluait de facto de la conversation. Monsieur ne supportait pas d'être éclipsé et je n'avais pas encore compris que ma seule fonction était de le mettre en valeur. Bien sûr, on peut se demander pourquoi un homme si beau, si riche et associé seigneur dans un prestigieux cabinet d'avocats peut encore ressentir le besoin d'être mis en valeur. Tout simplement parce que ce genre de personne a développé dès l'enfance une faille narcissique due en ce qu'elle concerne à un père tyrannique et méprisant. Il ne peut exister qu'en essayant de combler cette faille et la seule façon dont il peut le faire, c'est d'accaparer les mérites du conjoint, en l'occurrence de la conjointe, qu'il n'a de cesse de rabaisser dans le huis clos conjugal. Je veux dire que tant qu'il n'y a pas de vie commune, pas grand-chose ne se passe. C'est la phase que j'appellerais anesthésie de la proie. La danse du serpent, pendant laquelle j'ai été la plus belle, la plus magnifique, la plus intelligente des femmes, avec une mention spéciale pour mes dons hors normes sous les draps. Puis, après que la proie a été ferrée, donc après le mariage et mon installation dans son somptueux appartement, est venue la phase de culpabilisation. Je sais, c'est plutôt tordu comme personnalité, mais ça l'est d'autant plus que tu ne vois rien venir et qu'ensuite tu te retrouves enseveli sous des tonnes de culpabilité. Ça prend d'autant mieux que les premières manifestations ne sont qu'un imperceptible changement d'attitude. Tout d'abord, monsieur est devenu triste. Ensuite sont venus les petits reproches à demi-mot, comme pour s'excuser. « Tu ne te maquilles plus aussi bien qu'avant. Pourquoi t'obstiner à vouloir mettre cette robe? Je trouve qu'elle te boudine un peu. Tu devrais faire attention lorsque tu parles d'astrophysique. Bien sûr, moi, ça me passionne, mais la majorité de mes amis trouvent ça assommant, etc., etc. » Je sais que tu vas t'étonner qu'avec mon caractère, je ne lui ai pas volé dans les plumes à la première remarque désobligeante. C'est tout simple. La Nathalie d'aujourd'hui porte une cuirasse, et je ne l'enlève que lorsque je suis avec toi. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, je sortais tout juste de l'université, sans aucune expérience de la vie réelle. Et puis ces remarques étaient faites avec tant de gentillesse, et même de tendresse, que j'étais persuadé qu'elles étaient les conseils d'un homme d'expérience qui m'aimait très fort. Mon ami Peggy, dont je te parlerai plus tard, et à qui j'avais dit qu'il était diabolique, m'avait répondu que c'était le processus qui était diabolique, pas l'individu. Ce processus qui conduisait un parent à démolir la confiance en soi et la personnalité de son enfant, comme il a lui-même été rabaissé et humilié par ses propres parents. Rien n'est raisonné dans ce comportement, tout fonctionne à l'instinct, au réflexe. Ceux qui connaissent mon histoire, ils sont peu nombreux, se demandent parfois comment je n'ai point sombré dans la folie. Seulement, être victime d'un tel prédateur pendant 2 ans laisse des traces, et si la plaie est refermée, la cicatrice est bel et bien là. C'est ce qui explique en grande partie mon année d'abstinence après mon installation à Paris. Le fait qu'ensuite je me sois inscrite à l'Institut de Tantra, ma fréquentation assidue du saphir et pour finir, mes petites annonces de l'Obs. Le but étant de ne pas m'attacher pour risquer une fois de plus de tomber entre les griffes d'un détraqué. Je n'y aurais pas survécu et pour Peter, je ne pouvais pas prendre ce risque. Et puis nous nous sommes rencontrés, et là, j'ai su tout de suite que je t'aimais, que tu étais l'homme à qui je pouvais tout donner sans avoir rien à craindre. Tu étais moi, mon âme sœur. Mais mon bonheur d'aujourd'hui, je le dois en grande partie à Peggy. Sans elle, je ne serais sans doute pas là, près de toi. C'était à l'époque ma seule véritable amie à New York. Elle s'est très vite rendue compte de ce qui se passait. Sans sa patience et sa fermeté, je serais encore sous l'emprise de ce manipulateur et même sans doute déjà morte. J'avoue qu'à un moment j'ai pensé au suicide. À cette évocation, son masque d'impassibilité craque. Je la serre contre moi et l'embrasse tendrement partout sur son visage à petits baisers très doux. Ce n'est pas de la pitié, c'est de la compassion. Elle prend mon visage dans ses mains et plonge ses yeux au fond des miens. Je crois qu'en opposition au mal absolu existe le bien absolu et qu'ils sont les deux faces d'une même médaille. L'un ne peut exister sans l'autre. Un être aussi merveilleux que toi ne serait pas là si à l'opposé, un pervers maléfique n'existait pas. Mais il faut que tu connaisses la suite. C'est à mon 4e mois de grossesse que son comportement a nettement empiré. Ce n'étaient plus les petites remarques anodines, carrément des réflexions blessantes du genre « Non mais tu t'es regardé, on dirait une bobonne et en plus mal coiffée » ou « C'était bien la peine de t'offrir un parfum, tu sais les douches ça existe » et avant la grossesse tu te laissais déjà aller, mais là ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Je te fais grâce des chapelets d'insanité qui n'avaient d'autre but que de me détruire, alors que la phase de culpabilisation avait été menée de main de maître. Je ne pouvais plus même me défendre. J'étais persuadé que ces reproches étaient justifiés et j'en étais doublement malheureuse. Je me sentais dévalorisé. J'avais perdu toute estime de moi et je culpabilisais de rendre mon mari malheureux, ce qu'il ne manquait pas de me reprocher chaque jour. C'était lui, la victime, qui avait cru épouser une femme et se retrouvait avec une souillon dont les diplômes, obtenus Dieu sait comment, masquaient à peine une stupidité affligeante. Nathalie s'interrompt et me regarde effrayée. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais la colère froide que je sens monter en moi doit s'être peinte sur mon visage et Nathalie n'a jamais vu ce visage. « John, que t'arrive-t-il? Tu me fais peur. » Je sursaute, lui prends les mains. « Pardonne-moi, Nat, mais je ne peux pas supporter l'idée qu'on t'ait fait du mal d'une façon si ignoble. Et en plus, que ce soit ton mari. Toi qui es l'incarnation de la bonté et de la douceur. » Elle a un petit rire. « Merci pour tous ces compliments, mais rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère. » À mon tour de rire. « Ça arrivera peut-être, mais tu n'as rien à craindre. Ce ne sera jamais ce genre de colère. » Je la serre contre moi. « Comment as-tu parvenu à te débarrasser de l'emprise de ce malade ?» Elle se remet sur le dos, fixe le plafond un court instant. Sa poitrine se soulève dans un gros soupir. « Ça n'a pas été simple. Il y a encore eu de très longs mois de cauchemars. » Et comme je te l'ai dit, je ne sais pas si je m'en serais sorti sans Peggy. À partir du 6e mois de grossesse, il ne m'a plus touché, s'écartant même ostensiblement de moi. On peut être enceinte et avoir un minimum de respect pour soi et pour les autres. Non mais tu t'es regardé, tu es bouffi. Tu n'as pas besoin de manger comme une goinfre. Avec toute cette graisse, je me demande par où le bébé va bien pouvoir passer. Il est vrai que j'avais beaucoup grossi. Le fait d'être enceinte déjà... Mais il y avait aussi la dépression dans laquelle je m'enfonçais. J'étais devenu boulimique. Je savais qu'il voyait d'autres femmes. Absence répétée des nuits entières. Il rentrait au petit matin, en pestant le parfum au marché, le sexe, et se mettait au lit sans même avoir pris de douche. Puis ce furent des week-ends où je ne le voyais pas. J'en étais presque soulagé tant je vivais dans l'angoisse de sa présence. La seule fois où je me suis hasardé à lui demander des explications... Il ne s'est même pas caché d'avoir passé 2 jours à faire l'amour avec une femme magnifique. Un week-end de rêve, au lieu du cauchemar qu'il aurait vécu avec la truie que j'étais devenue. Cette fois, c'en était trop. Je bondis sur mes pieds et, oubliant toute convenance, je me sers un verre de Redbreast, que j'engloutis cul sec sans même en proposer à Nathalie. Elle me regarde, debout, nue, la bouteille et le verre à la main, totalement surprise d'une telle réaction. J'ai l'impression qu'un javelot de feu me perce le corps, me perce le cœur et les entrailles. Un étau me serre le crâne. J'en bafouille. Et pendant ce temps, pendant que tu avais besoin de moi, je n'étais même pas là. Je suis figé, planté là au bord du lit. Nathalie se lève doucement, comme si elle craignait qu'un mouvement brusque puisse m'effrayer. Elle s'approche et, avec 1000 précautions, me prend le verre et la bouteille des mains et les pose sur le chevet. Elle me prend dans ses bras, se serre contre moi et murmure à mon oreille. « John, tu ne savais même pas que j'existais. » Justement, j'aurais dû le savoir. Je suis dans un tel état que je ne me rends même pas compte de l'incohérence de mes propos. Elle me sourit, caresse ma joue, mes cheveux, m'embrasse doucement au coin des lèvres. « John, tu n'y es pour rien, et je m'en suis sorti. » Elle me fait asseoir au bord du lit, s'assied près de moi et me murmure à mon oreille d'une toute petite voix. « Je crois que moi aussi, j'ai besoin d'un verre. » D'un seul coup, je réalise la situation et à quel point l'émotion m'a déstabilisé. J'ai complètement oublié de servir Nathalie. « Oh pardon, je suis désolé, j'ai un peu perdu les pédales. » Je lui sers un verre et en profite pour en reprendre un autre. Nous trinquons. À la vie. Ça va mieux. Et je lui dis avec calme. Je me rends compte que si quelqu'un voulait te faire du mal, je serais capable de le tuer. Les lèvres de Nathalie tremblent quand elle me répond. John, tu as déjà tué et tu as failli en mourir. Pire peut-être, tu as failli en perdre ton âme. Allez, encore une gorgée. Peux-tu entendre la suite? Nous buvons. Je lui prends son verre des mains, le pose sur le chevet, je l'embrasse. Je crois que oui. Que pouvait-il faire de pire que de te tromper et de te traiter de truie en te persuadant que tu en étais une? Grimace de Nathalie. Aller faire la fête et se saouler au lieu d'être là pour l'accouchement. Et quand il a réapparu une semaine plus tard, me dire que mon utérus était pourri pour avoir eu au monde un enfant handicapé. Peggy était avec moi ce soir-là quand il est rentré. Cela faisait une semaine qu'elle ne me quittait pas. Elle lui a répondu tout à trac que c'était sa queue qui était pourrie et que son sperme n'était que du blanc d'œuf. Je suis sur le point de porter un toast à Peggy, mais Nathalie m'en dissuade. Je crois qu'entre les émotions et l'alcool, on risque d'être complètement ivre et en plus avoir mal aux cheveux demain matin. Il vaut mieux se calmer. Puis elle résume. La prise de conscience grâce à Peter et une Peggy omniprésente qui va lui démontrer qu'elle doit divorcer. Et que si elle ne veut pas le faire pour elle, qu'elle doit au moins le faire pour son fils. Un an plus tard, le divorce est prononcé, et là, complètement ahuri, celui qui se prétendait l'as du barreau new-yorkais découvre que la séparation de biens qu'il a exigée se retourne contre lui. Il n'avait vu en Nathalie qu'une intellectuelle désargentée. Elle est l'héritière d'un domaine viticole de la Napa Valley, et bien plus riche qu'il ne le sera jamais. À la sortie du tribunal, Peggy ne résistera pas au plaisir de lui décocher une dernière flèche. Il n'y a pas que votre queue qui est pourrie, c'est encore pire côté cerveau. Bravo l'avocat d'affaires, même pas foutu de rédiger correctement son propre acte de mariage, et encore moins de préparer son divorce. Cette négligence va lui coûter un maximum, outre la pension alimentaire à laquelle il est condamné pour subvenir à l'éducation de son fils handicapé. Il se voit infliger au civil une très lourde indemnité pour mauvais traitements et adultères multiples. Peggy a réuni une bonne demi-douzaine de témoins dont les dépositions lui seront fatales. Il n'échappera au pénal pour harcèlement qu'en acceptant une transaction de 2 millions de dollars. Le scandale est immense. Il ne s'en remettra pas. Banni de la jet-set qui était son monde, écarté du cabinet d'avocat, il va traîner une existence oisive, vivant des restes de son énorme héritage qu'il n'arrive tout de même pas à boire dans les bars qu'il fréquente chaque nuit. Nathalie rajoute. À ma connaissance, il en est à sa deuxième cure de désintoxication, alcool et cocaïne cumulés. Je ne peux m'empêcher d'être mesquin. S'il avait la bonne idée de faire une overdose, le monde serait débarrassé d'un pervers et Peter hériterait de ce qu'il n'a pas encore bu. Nathalie met un doigt sur mes lèvres comme pour m'empêcher d'en dire davantage. Non, sa plus grande punition est de vivre avec l'image que lui renvoie son miroir, celle d'un minable.